vous aurez une grande intelligence. Autrement dit, vous serez dans l'intelligence. Autrement dit, vous pourrez mesurer l'intelligence. Autrement dit, vous pourrez parler de n'importe quoi, vous pourrez aller chercher n'importe quoi, vous pourrez faire n'importe quoi avec l'intelligence. C'est-à-dire que vous serez capable de mesurer instantanément la relation entre le mal et le bien, et automatiquement, vous pourrez comprendre la nature de l'évolution, la nature de l'intelligence et le pouvoir de l'intelligence, et le pouvoir de l'infinité de l'intelligence, et comprendre l'infinité de l'intelligence, comprendre tout ce qui est compréhensible, et tout est compréhensible. Alors, vous pourrez comprendre tout. Je vous dis ça pour vous épauler, pour vous dire, petit gars, prends donc un break, prends donc ta pelule, puis avance. Le stage de la philosophie est fini. Je continue. Alors, j'explique que les pensées sont fabriquées sur différentes planètes dans différentes régions de l'univers. Et les planètes n'ont pas le même... n'ont pas tous la même évolution. Il y a des planètes qui sont extrêmement évoluées, il y a des planètes qui sont moins évoluées. Et les planètes les plus évoluées créent les pensées les plus belles. Les planètes les moins évoluées créent les pensées les moins belles. Mais l'homme, lui, s'il est évolué, autrement dit, si l'homme va vers la fusion, à ce moment-là, il n'y a plus besoin des pensées, qu'ils soient belles ou qu'ils ne soient pas belles. Mais qu'est-ce qui se produit quand un homme fait face à une pensée qui est belle? Qu'est-ce qui se produit en lui? S'il est mental, s'il est fusionné, ça ne change rien. Autrement dit, il ne peut même pas vibrer à la beauté de la pensée. Parce que, dans toute pensée, qu'elle soit belle ou qu'elle ne soit pas belle, il n'y a pas de beauté, il y a simplement de l'énergie. La beauté n'appartient pas à la pensée, comme les poètes en ont l'impression. La beauté appartient à la lumière de l'intelligence, qui éclaire la pensée. C'est la lumière de l'intelligence qui éclaire la pensée, qui permet à l'homme de réaliser la beauté de l'intelligence qui regarde bien la pensée. Et ça, c'est l'erreur de tous les poètes de la Terre qui écrivent des lignes, qui lisent leurs lignes avec des sentiments de toutes sortes, qui en pleurent, qui en bavent, qui en mentent, et qui sont pris dans l'illusion de l'émotion de la beauté des mots. Il n'y a aucune beauté dans les mots. Il ne doit y avoir dans les mots que de l'intelligence. Et c'est dans l'intelligence qu'existe la beauté, parce que la beauté fait partie de l'intelligence, elle ne fait pas partie des mondes inférieurs. La beauté que nous concevons en relation avec les mondes inférieurs n'est simplement qu'un aspect de la perfection de l'intelligence à avoir au début organisé des programmes de vie qui coïncident avec des normes, des standards qui coïncident avec la perfection de ces intelligences-là. Il n'y a pas de beauté dans les mondes inférieurs. Et ça va loin. Souvent, on va dire, c'est-tu beau une belle femme? Ou on va aller en astral, puis on va voir des dieux puis des déesses en astral, des beaux corps. On dit, c'est-tu beau? Ou c'est-tu beau un beau diamant? Mais la raison pour laquelle on parle de beauté dans les mondes inférieurs, c'est parce qu'on ne connaît pas la beauté. Et un homme qui connaît la beauté et qui a été dans les mondes de l'intelligence ne peut pas regarder la beauté inférieure ou à l'extérieur de ces mondes-là parce qu'il ne peut plus être épaté. Et comme il ne peut plus être épaté, il n'est pas affecté par la forme, il n'est pas affecté par les lois de la forme, c'est-à-dire qu'il n'est pas affecté par son corps astral. Et comme il n'est pas affecté par son corps astral, il n'a plus besoin d'être nourri par la beauté des mondes inférieurs, mais il est capable de vivre, de réaliser, de comprendre la beauté des mondes de l'intelligence. Mais dans l'intelligence qu'il vit, il ne peut pas réaliser de beauté parce que la beauté n'existe pas dans les mondes qui sont inférieurs en antimatière. La beauté existe dans les mondes qui sont au-delà de la matière. Et c'est seulement par les yeux de l'esprit, en harmonique avec les vibrations des mondes de l'intelligence, que l'homme peut comprendre les lois de la beauté et automatiquement comprendre les lois de l'harmonie, les lois de perfection, les lois de l'amour, de l'intelligence et de la volonté. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Pour une raison. Pour vous faire réaliser que lorsque vous sentez en vous de la beauté devant la nature, devant les hommes, devant les belles paroles, devant les belles choses, réalisez que cette beauté-là n'est simplement qu'une impression qui vous vient à l'esprit parce que vous avez en vous de la pensée. C'est impossible à un homme de réaliser de la beauté dans les mondes inférieurs sans qu'il pense. Alors, automatiquement, votre beauté est contaminée et elle est mesurée à la vibration de la pensée qui pénètre votre esprit. De sorte que si vous amenez un diamant devant les yeux d'un homme qui est fusionné, l'homme n'a pas de pensée dans son mental pour mesurer la beauté du diamant. Il va le regarder d'une façon bien neutre, bien bête, bien neutre. Il n'y a rien. Pour qu'il y ait beauté dans son esprit, il faut que ça dise dans son esprit, c'est-tu beau, ça? Pour qu'il y ait convoitise, il faut que ça dise dans son esprit, oh maudit, j'aimerais s'en avoir une. Mais si tu ne passes rien de ça dans son esprit parce que le taux vibratoire de son esprit est supérieur au taux vibratoire de la pensée, l'homme ne peut pas réagir à la beauté des mondes inférieurs. L'homme est libre du mal. Ça a des grands effets, ça. Pourquoi est-ce que les hommes sont attirés vers la spiritualité? Parce que les hommes contemplent par la pensée des mondes qui sont beaux, qui sont plus beaux que les mondes de la terre. Mais c'est parce qu'ils les contemplent par le biais de la pensée qu'ils se font prendre dans la trappe de la beauté des mondes spirituels. Il n'y a pas de beauté dans les mondes spirituels. Les mondes spirituels sont plus beaux que les mondes de la terre parce que ce sont des mondes qui sont beaucoup plus avancés, qui sont beaucoup qui ne subissent pas le péril de la vie. Mais l'homme saura un jour que la beauté n'est pas dans les mondes spirituels, elle n'est pas dans le ciel, comme on dit, et elle n'est pas dans les mondes inférieurs. La beauté, elle existe dans les mondes de l'intelligence. Et c'est de là qu'elle vient, et c'est là qu'elle s'arrête. Et quand l'homme comprendra ça, il ne perdra plus d'argent avec la beauté. Et d'argent. Il ne perdra plus de temps avec la beauté. Et la beauté ne sera plus nécessaire pour lui. Et quand la beauté sera plus nécessaire, la beauté des mondes inférieurs ne sera plus nécessaire pour lui, c'est parce qu'il sera libre dans la pensée. La réalisation que les pensées existent dans des éthers et que ces pensées-là sont amenées vers notre esprit à cause de la vibration de notre esprit, c'est une très grande réalisation. Et que toute l'extraordinaire polarité des pensées, parce qu'il y a des pensées qui vont, il y a des pensées sur la Terre que l'homme de la Terre, que très peu d'hommes sur la Terre peuvent vivre parce qu'ils n'ont pas de vibration. Les pensées d'Hitler, il y a très peu d'hommes qui peuvent penser ces pensées-là. Les pensées d'un sadiste, il y a très peu d'hommes qui peuvent penser ces pensées-là. Les pensées d'une Thérèse... Les grandes saintes, il y a très peu d'hommes qui peuvent penser ces pensées-là. Il y a une gamme de pensées. Il y a des pensées qui existent dans les terres terrestres qui n'ont jamais été pensées par les hommes. Ça prendra peut-être un jour un homme qui va venir, qui va avoir une certaine vibration, qui va pouvoir attirer cette pensée-là. Il y a des pensées qui existent dans les éthers, à l'extérieur, qui ne sont jamais venues ici encore. Ce sont des pensées qui appartiendront au royaume animal plus tard ici. Alors, quand l'homme commence à réaliser ceci, il ne peut plus penser. Et s'il se passe en lui de la pensée, cette pensée, elle est automatiquement de la communication, c'est-à-dire le rapport vibratoire intelligent entre l'ajusteur de pensée et lui, pour son bénéfice à lui. Pour remplir seulement une fonction. Il n'y a rien qu'une raison pourquoi cet ajusteur de pensée parle avec l'homme. Il n'y a rien qu'une raison. C'est pour que, pendant que l'homme est dans la matière, il ne se sente pas trop seul. Parce qu'un gars qui vit 24 heures par jour pendant 15 ans, puis 20 ans, puis 30 ans, qui ne se passe rien dans son bol, c'est long en maudit. C'est long. De temps en temps, il parle. Là, ça réduit ta solitude. T'es moins seul. C'est la seule raison pour que les autres nous parlent. Ils n'ont pas besoin de nous parler. Quand on fonctionne par vibration, quand on est fusionné, ils n'ont pas besoin de nous parler. Fait que la seule raison pourquoi l'ajusteur de pensée nous parle, c'est pour réduire notre solitude, pour nous faire réaliser que ça présente. Plus on est habitué à lui, moins on a besoin de communiquer avec lui. Mais par contre, la vibration est extrêmement présente. Donc à ce moment-là, on ne fonctionne plus au niveau de la pensée. Alors, c'est extrêmement important pour l'homme de demain de réaliser que toute pensée viole son territoire psychologique, son territoire émotionnel, son territoire psychique. Qu'est-ce que c'est du territoire? Du territoire, c'est un lieu dans l'esprit. C'est une dimension de l'esprit. C'est une catégorie émotive et mentale de l'esprit qui doit toujours revenir à l'homme et ne jamais être violée. Ça fait partie de son destin. C'est-à-dire que ça fait partie de sa vie. Ça veut dire que ça fait partie de lui. Et ce qui fait partie de soi est soi. Et ce qui est soi ne peut pas être traité par d'autres que soi. Alors, si notre esprit ne doit pas être traité par d'autres que soi, nous devons avoir le contrôle total sur le territoire de notre esprit, c'est-à-dire que nous devons comprendre parfaitement que notre esprit ne peut être libre que lorsqu'il est capable de rejeter toutes les pensées positives et négatives. Et quand je dis rejeter, faites attention, n'interprétez pas ce que je dis. Quand je dis rejeter, je veux dire être dans la vibration de l'intelligence qui permet de voir la forme, de voir au-delà de la forme, de la polarité de ces pensées-là. Après 13 années de fusion, je commence à comprendre l'intelligence. Je commence à comprendre le territoire de mon intelligence. Je commence à comprendre le territoire de mon esprit. Je commence à réaliser la domination que je dois avoir sur mon esprit. Je commence à réaliser la domination que je dois imposer à l'intelligence dans mon esprit. Je commence à réaliser la capacité de diriger, de contrôler le courant vibratoire qui alimente mon esprit. Je commence à être capable de forcer l'ajusteur de pensée de faire vibrer mon esprit comme moi je veux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je commence à être dans l'esprit de ma conscience atomique. Je parle de moi là, pour vous expliquer. Et lorsque l'homme commence à être dans l'esprit de sa conscience atomique, l'homme commence à être capable de révéler tout ce qu'il veut parce qu'il commence à être capable de connaître tout ce qu'il veut. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Connaître tout ce qu'il veut? Connaître tout ce qu'il veut, ça veut dire connaître tout ce. Tout ce qu'il est capable de connaître, d'absorber. Et plus l'homme évolue, plus l'homme entre dans la lumière, plus il est capable de connaître ce qu'il peut absorber. Autrement dit, l'évolution de la science à tous les niveaux, elle est proportionnelle à la capacité de l'homme d'absorber l'énergie de sa conscience atomique. Elle est proportionnelle à l'homme d'être capable de renier tout ce qui est émotif dans la réalité des mots. Elle est proportionnelle à la capacité de l'homme de détruire tout ce qui ne fait pas son affaire quand il est conscient. Et ce qui ne fait pas l'affaire d'un homme quand il est conscient, c'est tout ce qui l'empêche d'aller chercher ce qu'il veut pour éclairer les hommes qui sont frères avec lui. Parce que tous les hommes sont frères. Tous les hommes sont liés. Tous les hommes font partie d'une même destinée. Tous les hommes font partie d'une même loi, d'une même énergie. L'intelligence appartient à tous les hommes. Tous les hommes doivent bénéficier de l'intelligence. Et l'intelligence doit être donnée partout dans le monde. Elle doit descendre dans tous les cerveaux des hommes. Elle ne doit plus être cachée. Mais il faut qu'il y ait au moins un homme qui commence à aller la chercher dans les fonds extrêmement éloignés des mondes de la lumière. C'est pour ça que on ne peut pas être plus intelligent que la vitesse avec laquelle on peut se déplacer dans les mondes de l'esprit. La profondeur de l'intelligence dans l'univers est toujours proportionnelle à la vitesse de la lumière de l'esprit de l'homme. Ah, on ne peut pas dire que la hiérarchie ou que les forces de la lumière retardent ou empêchent l'homme de connaître les lois. On peut seulement dire que plus l'homme évolue, plus il est grand, plus il est complété, plus il peut se déplacer avec une vitesse accélérée dans ces mondes-là pour aller chercher dans la profondeur de ces mondes-là l'information qu'il a besoin. Et l'information qu'il a besoin, elle est toujours calibrée en termes de vibration et jamais en termes de pensée. Il n'y a aucune pensée dans le monde de l'intelligence. Il n'y a que de l'énergie. Mais pour que l'homme vive d'énergie, pour que l'homme développe cette capacité, vous pouvez pas, vous autres, l'homme ne peut pas dans son corps matériel réaliser qu'il s'en va en vitesse quelque part dans les mondes de l'intelligence. Parce que l'homme n'est pas suffisamment conscient de son véhicule. Mais le phénomène est tout de même le même pour tous les hommes. Il y a des hommes qui ont de très petites vitesses d'esprit, puis il y a des hommes qui ont une plus grande vitesse d'esprit. Mais pour que les hommes augmentent la vitesse de leur esprit, pour qu'ils augmentent le déplacement de leur esprit dans les éthers de lumière, il faut que l'homme comprenne une fois pour toutes que ce qui retarde, ce qui donne de la densité à son esprit, ce sont les pensées et les émotions. C'est pour ça que quand on dit des choses à l'homme qui choquent son esprit, ça le bouleverse. Parce qu'on lui fait savoir quelque chose avec une certaine vitesse d'esprit, et son esprit est tellement lent que ça le choque. Mais plus l'esprit d'un homme est rapide, plus l'intelligence d'un homme est grande, et plus un homme est dans une grande intelligence, plus il est facile pour lui d'absorber n'importe quelle vitesse d'esprit, c'est-à-dire n'importe quel niveau d'intelligence. Des exemples, c'est Croteau. Des exemples, c'est moins grand, c'est Daniel Ménard. Croteau, c'est peut-être le seul parmi tous vous autres qui a une capacité d'absorber la vitesse de mon esprit. je considère Croteau comme étant l'homme qui a le plus la capacité d'absorber la vitesse de mon esprit, c'est-à-dire d'absorber n'importe quoi que je peux lui lancer. Et chaque homme a sa capacité, a sa vitesse. Mais il y a un phénomène intéressant produit. C'est que rendu à un certain niveau d'évolution, les hommes arrivent à un point où ils atteignent tous la même vitesse. Viendra un jour où les gens auront une vitesse universelle et où les hommes pourront absorber de l'intelligence sans choc. Et ça, ça commence. C'est commencé. De sorte que tu pourras leur dire n'importe quoi, puis ils pourront le prendre, puis ils pourront le prendre, puis ils pourront le prendre, puis ils pourront le prendre, puis ils pourront le prendre, puis ils pourront le prendre, puis ils pourront le prendre, puis ils pourront le prendre. Quand j'avais dit à Croteau une fois que le Soukmad, c'est une forme, c'était pour forcer son esprit à s'ajuster à la vitesse de mon esprit pour qu'il puisse être libre, pour qu'il puisse être capable d'absorber n'importe quoi que je lui donne. Alors, quand j'attaque votre esprit par des mots, c'est pour augmenter la vitesse de votre esprit pour qu'un jour, vous atteigniez le cruising speed de votre esprit. Quand vous serez dans votre cruising speed, vous pourrez cruiser. Puis on est bien quand on cruise, parce qu'à ce moment-là, on ne pense plus. On absorbe, on éjecte, et on fonctionne tout le temps. On est toujours bien dans notre peau. Ceux qui ne sont pas capables de prendre la vitesse de l'esprit qui est manifestée dans la vibration des mots, je les connais. Je vous regarde dans les yeux des fois, puis je sais que si je dis telle chose, ça vibre en dedans. Quand je vous fais vibrer, c'est pour ça, c'est pour augmenter la vitesse de votre esprit. Parce qu'un jour, quand vous serez dans des états de conscience permanents, vous verrez que la vitesse de votre esprit est extrêmement importante. C'est évident que tu peux aller en Europe en chaloupe, et c'est long en maudit. Vous voyez les pareils. Il n'y a pas trop de vent. Mais un avion, c'est plus court, ainsi de suite. C'est la même chose au niveau de l'esprit. On n'est pas capable tellement, les hommes, de réaliser que les mondes de l'esprit sont des mondes comme les mondes de la matière. Le concept de la colonne, le concept d'un plafond, le concept des murs, le concept d'un plancher, ça ne vient pas de la Terre, ce concept-là. Le concept, il est passé dans l'esprit de l'homme parce qu'il fait partie des pensées qui existent dans l'univers. Mandant un chien de construire un plafond, ouais. Ce concept-là ne passe pas dans sa tête. Mais s'il passe dans sa tête, il va en faire un. Il va être crash, mais il va en faire un malin. Alors, ce qui existe dans la matière existe sur les plans invisibles. Quand l'homme meurt, puis il va dans l'astral, même chose. Il a son petit jardin, il a sa maison, son petit chien, son caniche. Seulement, les lois sont différentes. Alors, quand je parle de la vitesse de l'esprit, je ne fais pas une joke. La vitesse de l'esprit, l'esprit a une vitesse. Chaque personne a la vitesse qui convient à son niveau d'évolution. Il y en a qui sont plus vite que d'autres. Quand ils sont trop stoux, à ce moment-là, ça crée des chocs. Donc, au lieu d'être en cinquième, ils tombent en quatrième, en troisième, en deuxième, en premier. Il y en a qui vivent en première tout le temps. Ça brûle le moteur. L'humanité au 21e siècle aura des pouvoirs. C'est-à-dire que l'humanité au 21e siècle aura subi une transmutation. C'est-à-dire que l'homme au 21e siècle comprendra des choses au niveau de son esprit comme il comprend des choses au niveau de la matière. Il n'y aura pas de différence entre le monde de son esprit et le monde de la matière. De sorte que l'esprit, la vitesse de son esprit sera extrêmement importante dans sa capacité de mesurer la nature de l'intelligence, d'approfondir les mystères de l'intelligence, parce que l'intelligence, c'est un mystère. L'intelligence est la seule chose dans l'univers qui ne se mesure pas. L'univers matériel se mesure, il y a des limites. Mais l'intelligence est la seule chose qui ne se mesure pas dans l'univers. La seule chose qui ne se mesure pas. C'est sans fin. Sans fin. Et lorsque l'esprit de l'homme commence à réaliser que l'intelligence, c'est sans fin, à ce moment-là, son ego, lui, commence à cesser de faire interférence avec elle. C'est à partir de ce moment-là que l'homme commence à développer le pouvoir de la parole. Parce que pour avoir le pouvoir de la parole, il faut avoir la réalisation, il faut vivre la réalisation que l'intelligence est sans fin. Sans ça, l'ego bloque le pouvoir de la parole. L'ego s'inquiète de ce qu'il va pouvoir dire à soi, ce qu'il va pouvoir dire demain. L'ego a toujours quelque chose à dire. L'ego peut toujours dire quelque chose. L'ego peut toujours canaliser quelque chose parce qu'il y a toujours quelque chose qui est canalisable. Tout le temps. Moi, je commence, là, comme je vous l'ai dit, à comprendre mon intelligence, l'aspect de l'intelligence que je canalise. Fait que c'est pour ça que dans les mois à venir, vous allez avoir du fun parce que j'ai des choses intéressantes à vous dire. Parce que plus je comprends mon intelligence, plus je comprends la vibration de mon intelligence, plus je comprends l'esprit de mon intelligence, plus je comprends la nature de mon esprit puis la vitesse de mon esprit, plus je peux contrôler la vitesse de mon esprit, plus je suis capable d'arracher à l'infinité les mystères que l'homme doit connaître pour comprendre l'infinité. Faut que quelqu'un le fasse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je traite un peu du phénomène du viol concernant la pensée pour vous faire comprendre qu'un jour, vous en arriverez à comprendre que l'intelligence, elle est sans borne et que la pensée est un borne de l'intelligence. Toute pensée est un borne de l'intelligence. Quelle que soit la pensée, qu'elle soit bonne ou mauvaise, je m'en sac. Et ce sont justement ces limites des pensées qui crée ce que vous appelez vos psychologies subjectives, vos psychologies personnelles, et qui donne naissance à ces récifs dans l'esprit qu'on appelle les complexes. C'est pas un cadeau à des complexes. Fatiguant. Mais pourquoi est-ce que les hommes ont des complexes? Pourquoi? Pas pour les raisons qu'ils pensent. Parce qu'ils n'ont pas compris que leur pensée viole leur intelligence. C'est ça qu'on est complexe. Il y en a un qui me dit une fois, moi, je pensais qu'à faire l'amour avec les femmes. Mais j'ai dit, Chris, tu penses à faire l'amour avec les femmes. C'est le matériel qui est dans ton esprit. Arrête de te complexer, puis fais l'amour avec les femmes jusqu'à temps que tu changes. Quand tu vas être intelligent, tu vas changer. Tu feras peut-être moins l'amour avec les femmes parce que tu auras d'autres choses à faire. Mais en attendant, faire l'amour avec les femmes. Mais si le gars ne comprend pas ça, il va se complexer. Fait qu'eux autres en haut font vibrer son esprit pour son expérience. Ça est dit dans son esprit de faire l'amour avec les femmes. Puis lui, dans la réflexion de son ego, il se complexe, il se crée un complexe. C'est pas de sa faute s'il a la pensée de faire l'amour avec les femmes. C'est même pas de sa faute. L'autre a des idées cochonnes. C'est même pas de sa faute s'il a des idées cochonnes. Tu cochonnes en attendant. Un jour, il va arrêter de cochonner. C'est pour ça qu'on a des complexes. Les complexes sont le résultat de l'influence psychologique des pensées sur notre état mental, sur notre état émotionnel, puis on est tous des yo-yo, puis on y croit dur comme fer. Je vous l'ai déjà dit qu'on est tous bons, puis on se pense tous crottés. Quand je dis qu'on est tous bons, je vous dis qu'on est tous dans de l'intelligence. C'est ça que ça veut dire, être bon. Mais on est tous crottés. Parce que on est tous transpercés par des pensées, puis on n'est pas capable de les arrêter, de ces pensées-là. On n'est pas capable. Comment tu voudrais? C'est la prise de conscience qui nous amène à sortir de ça. C'est ça l'instruction mondiale. De l'instruction mondiale, pas de la connaissance ésotérique. L'instruction, c'est de l'instruction. Ça veut dire, c'est de même, ça marche, Charlie. Puis quand tu comprendras, tu verras que c'est de même, ça marche. Puis comment même tu t'ostineras, ça marche de même pareil. Le professeur à l'université a tout raison contre des élèves. Moi, j'ai toujours raison que vous autres. Vous aurez toujours raison. Fait que c'est à vous autres de vous ajuster à mon esprit, pas moi à m'ajuster au vôtre, pas grave. Fait que quand vous serez capable de faire ça, ben là, à ce moment-là, vous sortirez de vos complexes. Fait que là, vous commencerez à rentrer dans la même intelligence qui est universelle. Les hommes seront frères. Unis dans une conscience unitaire. Mondiale. Qui se développera au cours des siècles. En attendant vos complexes, ben, au moins vous avez des pointers. Puis quand vous avez des complexes, ben, vous perdez de l'énergie, de l'intelligence quand vous avez des complexes. Alors, qu'est-ce qui arrive quand tu perds de l'énergie, de l'intelligence? Tu te nourris de l'énergie des pensées, mentales, émotionnelles. Ça affecte ton vital, ça affecte ton physique. Mandez-vous pas pourquoi vous avez l'air des vieilles carottes rendues à 60 ans. Tout ça. Vous perdez l'énergie. L'homme ne peut pas se permettre de perdre de l'énergie. Jamais. Jamais. Jamais. Parce que c'est ça qui l'amène à l'immortalité. C'est cette énergie-là qui l'amène à l'immortalité. C'est pas votre mental, votre émotionnel, votre vital, votre physique qui va vous amener à l'immortalité. C'est l'énergie de l'intelligence qui va vous amener à l'immortalité. Fait que vos complexes, il est temps que vous les mettiez dans les poubelles. Mais là, il y en a qui mettent ça dans leur wallet. Ils les traitent aux petits oignons. Mais découragez-vous pas, c'est long. Mais ça avance pareil, hein? Y en a-t-il un qui est capable de le garder en arrière et de dire qu'il n'a pas changé un petit peu? Comment ça sert un corps de pouce? Pas un de vous autres. Vous commencez, attendez, en 10 ans, puis dans 15 ans, puis dans 20 ans, puis dans 50 ans, puis dans 100 ans, 200 ans. C'est comment est-ce que là? Moi, j'ai un avantage sur vous autres, c'est la fusion. Normal. Mais vous autres, vous avez une opportunité que moi, j'avais pas avant la fusion. Fait que ça s'égalise, hein? Pensez à ça de temps en temps. Pensez-y pas trop. Vous en savez plus aujourd'hui que moi j'en savais avant plusieurs. Donc on est quitte. Moi aussi j'en ai eu des complexes. Alors, les complexes, vos complexes relèvent de vos pensées sont dans les éthers, votre esprit les absorbe parce que les autres en haut font vibrer votre esprit. Faites-vous pas prendre dans le jeu. Fait que même si vous pensez que vous êtes cochon, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est une idée que vous avez de vous-même. Parce que vous n'êtes pas capable de voir plus loin que la forme qui entre dans votre esprit. Et de comprendre pourquoi est-ce qu'elle rentre dans votre esprit. Et de comprendre parce qu'elle est là dans votre esprit pour vous créer des souffrances. Ainsi de suite. C'est un terrain. C'est un terrain. Et ce terrain-là, il est constamment labouré, puis labouré, puis labouré, puis le terrain qui est labouré, c'est le terrain de la pensée puis de l'émotion. C'est constamment labouré, vous allez vivre le labourage de votre terrain psychique, de votre territoire psychique pendant des années de temps. Mais au moins, une fois que ça a commencé à être labouré, le terrain, tu sais que après, il y a des plantes qui peuvent pousser. Mais il faut qu'il soit labouré, le terrain. Mais vous avez été tellement habitué pendant des années de temps, dans tous les pays du monde, aux onguents de la philosophie, puis aux onguents de la connaissance, à toutes les sortes d'onguents, à toutes les sauces, que le labourage, c'est rough. Parce que il n'y a personne avant qui vous a brassé le cul, je suis le premier, moi. Quand vous trouvez cette offre, puis vous n'aimez pas ça, puis vous n'êtes pas sûr. Tout d'un coup, je suis pas un bon gars. Tu sais, il y a tout ça qui se passe, hein, je vous comprends. C'est pour ça que... C'est pour ça que je vous aime bien, parce que c'est pour ça que je réalise que c'est tough, que c'est dur, tu compares. Mais au moins, il y a des changements. C'est ça qu'il y a. Mais vous autres, en tant qu'individus, surtout ceux qui ont le plus besoin de comprendre ce que j'ai à dire, il faut que vous en arriviez, parce que j'ai pas grand temps dans le public. Ensuite, les autres vont prendre la relève. Croteau et la gang, ils vont tous prendre la relève. Puis eux autres, ils parlent pas comme moi. Fait que les chocs vibratoires, ils vous les aurez pas comme je vous les donne. Eux autres sont fins. Mais pendant que je suis dans le public, que je vous donne des conférences, essayez au niveau de vos personnalités, de vos égos, de votre tempérament, de votre patente, de votre psychologie, de saisir ce que je vous dis, une fois pour toutes, pour pouvoir avancer, pour que quand je vous revois au bout d'un mois ou deux mois, que je vois qu'il y a eu des changements vibratoires qui se sont opérés, au lieu de faire des visages qui sont encore à la même place dans le temps. Parce que ceux qui avancent parmi vous autres, je les sais. Ceux qui avancent lentement, je les sais. Puis il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas avancer, puis avancer. Et ça dépend toujours de vous autres. Ça dépend de votre tête de cochon, parce que les égos ont des têtes de cochon. L'ego est un être qui a une tête de cochon, c'est-à-dire que l'ego ne veut pas s'admettre certaines choses. Il ne veut pas se l'admettre certaines choses, parce que son émotion le bloque. Son émotion lui crée une crainte d'admettre certaines choses. Avouez-les. Avouez-vous-le. Telle chose. Vous avez passé par une petite crise. D'après ça, vous allez en sortir de la crise. Là, vous commencez à respirer. Mais si vous ne l'avouez pas, vous ne pourrez jamais en arriver à avancer suffisamment pour sortir de l'orbite planétaire. La meilleure façon pour vous autres de vous amener à admettre quelque chose, c'est de prendre le matériel que je vous donne brut, puis de le manger brut. Rationalisez pas le matériel. J'ai toujours raison. Je peux pas me tromper, je suis pas capable. Fait que j'ai toujours raison. Fait que rationalisez pas, puis tournez pas autour du pot, mangez-les le matériel, puis quand vous l'aurez mangé à ce moment-là, vous pourrez avancer. Ça sera dur. Mais vous allez avancer. Notre psychologie est institutionnalisée, c'est-à-dire que notre psychologie n'est pas réelle. Notre psychologie est un faux billet de banque. Tout ce qui est de notre psychologie, que ce soit positif ou négatif, c'est un faux billet de banque. Puis on a tendance à considérer que ce qui est positif, c'est un bon billet de banque. Non, c'est pas un bon billet de banque. La raison pour laquelle c'est un bon billet de banque, c'est parce que vous n'êtes pas encore dans votre intelligence. Quand vous êtes dans votre intelligence, vous allez bien voir que même le côté positif de votre psychologie, c'était un côté qui balançait le côté négatif. Vous ne pouvez pas être négatif, il faut que vous soyez un petit peu positif. Je vous donne un exemple, quand je parle des gens qui font de la guérison. Ça, c'est le côté positif. C'est dur pour un ego de ne pas voir au-delà de ça, guérir les gens, aider le monde, patati patata. Quand je vous dis, moi, que vous guérissez du monde allez, par le biais de votre ego, c'est pour remplir des conditions karmiques que vous le faites. Vous perdez de l'énergie quand vous guérissez quelqu'un. Pour guérir quelqu'un sans perdre d'énergie, il ne faut pas être impliqué au niveau de l'ego. le courant passe, puis il fait son affaire. Si vous êtes impliqué au niveau de l'ego, même si vous aidez l'humanité, puis aidez ci, puis aidez ça, vous perdez de l'énergie. Mais si vous y tenez, comme j'en connais une qui vient plus d'un séminaire, une vieille d'un certain âge qui y tient, là, parce que c'était sa dernière béquille avant de monter au ciel, elle, 83 ans, elle voulait guérir jusqu'au bout. Est à tenace, celle-là. J'ai dit une journée, j'ai dit, pourquoi si tu prends pas un break? Va-t'en en vacances, va-t'en en Floride. Non, il faut qu'elle guérisse. Elle va guérir. L'ego veut guérir. L'ego veut. Son ego, il voulait guérir. Il n'était pas capable de se couper de ça parce que c'était sa sécurité spirituelle de guérir. Elle se sentait dans bonne voie quand elle guérissait. Elle se sentait bien quand elle guérissait, puis les gens l'appelaient, puis les gens étaient contents, puis les gens disaient, vous êtes non bonne, vous êtes non fine, madame Intel. Fait que nourris-toi de ton ce billet de banque positif-là, puis tu vas aller au ciel. Moi, je suis pas intéressé à aller au ciel. Je vous donne des indices précieux qui ne se pensent pas. Ça n'a pas de prix, ces indices-là. Ça se pense pas, ces indices-là. Prenez-les, mangez-les. Si vous voulez tourner autour du pot, ça c'est votre affaire. Je peux pas aller plus loin que ça. Je peux pas vous faire passer par des initiations individuelles, j'ai pas de temps. Je comprends qu'il y a des choses que vous pouvez pas comprendre avant un an, deux ans, trois ans. Ça, c'est normal. Mais il y a des choses que vous pouvez saisir, réaliser avant ça, si vous vous toquez pas contre ce que je vous dis. Si vous vous toquez contre ce que je vous dis puis vous rationalisez ce que je vous dis pour quelque raison, bonne ou mauvaise que ce soit, vous allez perdre du temps. Vous allez perdre de l'énergie. Pensez-vous que c'est le fun pour moi de vous dire que j'ai toujours raison? Pas le fun pour moi. Parce que je soulève en vous autres des vibrations quand je fais ça. Quand je parle, je soulève des vibrations. Pourquoi est-ce que je suis obligé de fumer? Je suis obligé de fumer parce que je soulève dans vos égos des vibrations. Si je ne soulevais pas des vibrations dans vos égos, je n'aurais pas besoin de fumer. Je balançais mes corps. Penses-tu que c'est facile pour un homme de dire « J'ai toujours raison puis je peux pas me tromper? » C'est pas facile. La seule raison que je peux le faire, c'est à cause de la fusion. Ça crée une souffrance parce que tu as toujours l'ego qui réagit, mais je me sers de cet outil-là, je me sers de ça pour vous forcer, pour forcer une craque dans votre ciment, pour que l'eau coule. Ceux qui sont capables de le prendre, ça, à ce moment-là, peuvent aller plus vite. La vie mentale, c'est un combat. Le développement de la vie mentale, c'est un combat. Le développement de la conscience supramentale, c'est un combat entre l'émotivité et l'intellect. C'est un combat. C'est définitivement un combat. Définitivement un combat. Vous n'en sortirez jamais de ça que c'est un combat. Puis un maudit combat. Bon. C'est pour ça que je dis que ce sont les forts qui vont passer à travers. Les forts qui vont passer à travers. Pas les faibles. Les faibles n'auront pas la, ils n'auront pas la vitamine, ils n'auront pas la force de passer à travers. Hey, quand notre personnalité est un blueprint d'une mémoire traditionnelle, une mémoire de civilisation, une mémoire extraordinaire accumulée depuis des siècles, puis tu demandes à une unité biologique, à un homme, un égo, de détruire cette mémoire-là, pas facile. De se tenir tout nu devant lui-même, de se tenir tout nu dans son intelligence à lui, pas facile. Bon, être habillé en relation avec d'autres, c'est une autre chose, mais quand t'es tout nu, là, pas les reins forts. Puis c'est pour ça qu'il n'a pas gros. Il n'y a pas. Il y a entre 100 000 et 140. Il y a entre 100 000 et 200 000 personnes qui vont passer à l'éther. C'est la planète entière, puis au-delà de 4 milliards d'habitants. Entre 100 000 et 200 000 qui vont passer. Qui vont avoir communication, contact direct par le visuel, par les yeux avec l'invisible, puis par les courants éthériques au niveau de l'oreille. Pas gros. dans le monde entier. La réalisation que toutes nos pensées nous violent, c'est une réalisation qui devient de plus en plus poignante et qui crée en nous des tempêtes. Et ce sont ces tempêtes-là qui coïncident avec le développement de notre intelligence.